toutes et à tous, on se retrouve pour l'émission livresque Préface pour parler bouquins autour de thèmes variés, tout ça avec des propositions musicales. Et aujourd'hui, on va changer un peu et parler idées lecture. C'est parti! D'habitude, je vous parle de deux livres sur un thème unique. Et cette fois-ci, on va parler un petit peu de deux ouvrages que j'ai lus et qui n'ont rien à voir entre eux, à part le fait qu'ils sont tous les deux très très bien écrits et assez passionnants. Donc je vais vous présenter un roman noir qui est signé James Anderson et un roman fictionnel historique de Julie Otsuka. Pour commencer, plongez avec moi dans la route 117 de James Anderson. C'est un roman édité par Albin Michel qui est sorti le 16 janvier dernier. On y suit Ben qui est conducteur de camion indépendant, qui fait depuis 20 ans les 160 km qui séparent Price de Rockmouth dans l'Utah pour livrer eau, vivres, courrier ou encore colis aux personnes faisant appel à ses services. La route 117 traverse le désert de l'Utah où en plein hiver, la neige fait dériver les camions, où le blizzard cache toute visibilité et où il faut être né sur place pour survivre finalement. La matinée de Ben démarre au plus mal, à la station-service, un gamin de son et son chien sont là dans le froid, avec un mot lui demandant de les prendre avec lui. Le mot est signé Pedro, une connaissance qu'il n'a pas vue depuis des mois. Et la situation ne s'améliore pas puisque Ginny, une jeune femme qui cumule les petits boulots et les études, en essayant d'élever son bébé en même temps, lui confie la garde de sa petite Annabelle, sans laisser place au refus. Il se retrouve donc avec trois nouveaux passagers à son bord pour prendre cette route pleine de dangers qu'il connaît par cœur. Au fil de la route et de ses arrêts, les ennuis semblent aussi le suivre. Il évite de peu un accident mortel, il s'en tire avec un rétro coincé dans la tôle, et surtout son ami John, qui est prédicateur un peu fou, et qui se balade toujours avec sa croix grandeur nature sur les bords de la 117, bah, il se fait renverser et il est laissé pour mort sur la chaussée. Ben n'a pas le choix, il va devoir percer certains mystères à jour, mais l'enquête qu'il débute prend des envergures qu'il n'imaginait pas, et se retrouve au cœur de dangers omniprésents. Donc le roman prend son temps pour installer l'ambiance, les personnages et l'intrigue. Dès le début, il y a quelque chose qui cloche, l'enfant abandonné, l'accident et surtout les personnes qu'il rencontre, qui n'attirent pas vraiment la confiance. Malgré tout, l'odeur du gazole et de l'asphalte nous tient en haleine, alors que la route se poursuit d'un point à un autre, amenant à de nouveaux personnages et de nouveaux mystères à chaque arrêt et rencontre. Donc je remercie beaucoup les éditions Belfond pour cet envoi et cette découverte. J'ai lu le roman quasiment d'une traite, tellement il était assez hypnotique. C'est comme si la route m'avait avalé et que j'admirais un peu le paysage qui défilait devant moi. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit détail qui dérange et sur lequel on n'arrive pas trop à mettre le doigt. Il y a quelque chose qui cloche, mais quoi? Ils ont tous l'air d'avoir des secrets assez lourds et paraissent tous plus ou moins indignes de confiance. Donc face à tous ces mystères, on s'en remet à Ben, qui a l'air assez réglo et qui est directement confronté à tous ces problèmes. Donc on s'attache à ce personnage qui survit dans un milieu assez hostile. Et d'ailleurs, le désert n'est jamais vraiment décrit comme un milieu hostile, on l'imagine plutôt. Les kilomètres et les kilomètres de terre recouvertes par la neige, le paysage où le ciel et la terre se confondent, lorsqu'on a la chance de distinguer les deux. Donc bref, c'était une très bonne lecture que je vous recommande assez vivement. Donc avant de passer à la suite, on va faire une petite pause musicale. Et pour rester fidèle à cette route infernale, on écoute le classique Highway to Hell d'AC/DC. Parce que oui, eh bien, il n'y a pas que les motards qui écoutent du métal. Donc bonne écoute. Leave me be. Voilà, c'était le cultissime Highway 12 d'AC/DC. Pour continuer un petit peu sur ces idées lectures, on va abandonner la route et on va prendre la mer. Donc laissez-moi vous présenter « Certaines n'avaient jamais vu la mer » de Julie Otsuka. C'est un roman qui est paru chez Phoebus en 2012 et qui a d'ailleurs reçu le prix Femina du roman étranger cette même année. Donc Julie Otsuka, c'est une auteure américaine qui est née en 1962. Elle a abandonné sa carrière de peintre pour se vouer à l'écriture. Elle a publié son premier roman en 2002 qui s'appelle « Quand l'empereur était un dieu » et 10 ans après, elle a publié « Certaines n'avaient jamais vu la mer », qu'on attend son troisième roman avec impatience quand même. Dès sa sortie, le livre est très bien accueilli par le public et pour cause, il est très très bien, à mon sens. L'auteur nous fait vivre le périple de jeunes femmes de tout le Japon qui sont mariées outre-Atlantique, alors qu'elles sont mineures, majeures, pauvres, un peu plus riches, pleines de rêves et désespérées. Des jeunes femmes qui espèrent une vie meilleure sans savoir ce qui les attend. Donc des maris paysans, violents, romantiques, joueurs infidèles. L'espoir de certaines s'évanouit rapidement pour se conformer à cette nouvelle vie qui est semblable à celle qu'elles auraient dû vivre de l'autre côté de l'Atlantique. Donc on suit le destin de ces femmes du XXe siècle qui sont exilées bien avant la Seconde Guerre mondiale à travers leurs travaux manuels au champ ou à la ville. On découvre aussi une communauté de petites mains dans un pays développé, qui est soudé par le travail et aussi concurrent et jaloux des avantages des autres. Donc leur vie misérable, leurs enfants plus américains que japonais, l'humiliation des blancs, le rejet de la société et de la nation, ce sont tant de récits qui nous sont relatés par la plume de Julie Otsuka, qui est très très poétique. Donc leur témoignage est très poignant et assez important pour saisir ces moments de vie avant le silence et l'oubli. C'est un roman qui met à la lumière du jour une histoire souvent occultée, qui raconte la vie de femmes seules, aimées, détestées, heureuses, qui ont toujours gardé en elles le souvenir de leur terre d'origine sur un sol qui aurait pu leur paraître étranger jusqu'à la fin de leur vie avec cette langue inconnue et ces blanches plus grandes, plus élégantes, plus riches aussi. J'ai aussi été assez inspirée par ce livre qui est surtout composé d'énumérations. Les vies de ces femmes se mélangent pour créer une seule et même voix, un seul et même personnage qui a une multitude de visages et de noms à la fin. Donc c'est très intéressant d'un point de vue historique, même si je ne suis pas américaine et que je n'ai pas vécu cette période. C'est un témoignage d'une époque où les Japonais faisaient le travail que font les Mexicains aujourd'hui en Amérique. Donc c'est un récit qui se situe au siècle dernier, mais qui est encore criant de vérité aujourd'hui vis-à-vis d'autres communautés à travers le monde et qui nous dit... qu'eux aussi ne seront pas effacés de la société et oubliés, comme s'ils n'avaient jamais habité ces maisons pendant 20 ans, comme si les blanchisseries n'avaient jamais été tenues par des Japonais, comme si les champs n'avaient jamais été entretenus à la sueur de leur front. Le message délivré par l'auteur est vraiment là, comment on a fait pour les oublier, après toutes les épreuves que la vie leur a données. Elles n'ont pas du tout été épargnées. Donc c'est vraiment un assez beau récit, et si ça vous intéresse de suivre la vie de ces femmes, je vous le conseille assez vivement. Pour retrouver un petit peu le moral et rester quand même dans quelque chose de doux et de poétique, on va écouter Soft Landing d'Akiko Ayano, qui est une pianiste et chanteuse japonaise à la carrière entre Japon et États-Unis, qui a collaboré avec de nombreux groupes comme Yellow Magic Orchestra et qui a aussi réalisé la bande-son de Mes voisins et les Yamada du studio Ghibli. Bonne écoute! Thank you. Voilà, c'est sur cette douce musique d'Akiko Ayano que l'émission se termine. J'espère qu'elle vous aura donné envie de lire ou relire ses œuvres et qu'elle vous aura fait découvrir de nouvelles choses. Donc, La Route 117 de James Anderson est disponible aux éditions Bellefond au prix de 21 € et Certaines n'avaient jamais vu la mer est disponible en format poche chez 10-18 au prix de 6,60 € et en grand format chez Phoebus au prix de 15 €. Donc voilà un petit peu pour les informations pratiques. Après cette émission, vous pouvez retrouver European Roll à 17h30, puis On Accès à Foot de 18h à 19h en direct sur Fadjet. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bonne lecture. Salut !